dire que pleurer. Travailler, travailler. Nasati kalkil mi trouva son sou galé. Te mi priva moins bombé. Pour avoir sa kmivé. Moi, n'a tout.